Si vous voulez dire acheter-les, hein, les se dit los ou las si ça fait référence à des mots féminins. Alors, acheter-les se dira, hein, vous adressez à ustedes. Comprenlos. Oui, mais je voudrais l'entendre clairement. Comprenlos. Je n'entends pas suffisamment clairement le S. Comprenlos. Comprenlos, hein, los. Ou las, si vous faites référence à des mots féminins. Hein, achetez-les, hein, comprenlos. Avec los pour les, qu'on accole à la fin. Mais ça, c'est seulement pour un ordre affirmatif, hein, où on accole le pronom le ou les, hein, ou moi ou n'importe quel autre pronom, hein, à la fin. Ce n'est pas le cas pour un ordre négatif, hein, lorsqu'on dit de ne pas faire quelque chose. Par exemple, ne les achetez pas sera... No los compren? C'est ça, no los compren, hein, ne les achetez pas. On retrouve le même ordre des mots que dans la phrase française. Hein? No los compren.